Toujours à la même occasion, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Bechtesen 2017, le comité Suisse-Corée et le cercle d'études des études de Suisse ont publié une déclaration commune et le titulaire de chaire de la faculté de politique de l'université de Damas de Syrie, Sabir Baloul, un entretien. Ils ont noté que le 25 août 1960, jour de l'inspection par le généralissime Kim Jong-il de la division de Charles Yong-soo numéro 105, lauréate du titre de Guni, Séoul de l'armée populaire de Corée, a marqué un jalon historique dans l'édification des forces armées révolutionnaires de la Corée, et que grâce à sa direction de la révolution de Sun-gun, la Corée est transformée en puissance militaire et détenteur nucléaire.